Chapitre 6e, Johanna à Médéa. Le général et aussi le regardèrent, absolument stupéfaits, et pris tous deux par une terreur instinctive, dont ils n'étaient pas maîtres, qu'ils ne parvenaient pas à dominer. Et tous deux, que les balles de revolver, les coups de couteau ne parvenaient pas à émouvoir, qui devant les bombes n'avaient jamais frissonné, en ce moment, en face de ce prince Grégoriski, dont l'apparition leur semblait fantastique, ils tremblaient. Ce qui prouve, une fois de plus, que la terreur superstitieuse est plus forte que le courage du plus brave, tel qui affronte les plus grands dangers, fait des actions d'éclat sur le champ de bataille, en mer, en montagne, dans les incendies, risque sa vie sans sourciller, peut céder à la frayeur de tout ce qui touche à l'au-delà. Quand le prince Grégoriski eut bien vu quelle profonde impression il produisait sur le général et son intendant, quand il se crut suffisamment maître de leur esprit, il abandonna sa pose nonchalante, son allure de farniente. Il se leva de son fauteuil d'osier, et quittant le kiosque, il descendit d'un pas assuré et sans hâte vers le maître de la maison dans laquelle il pénétrait de si étrange façon. Le général et aussi le regardaient s'avancer, descendre vers eux, se demandant, eux qui savaient la maison bien défendue, les portes bien closes, par où et comment cet étrange visiteur avait pu pénétrer. Très dégagé, très souriant, comme très heureux de voir son hôte, le prince Grégoriski vint au général et le salua. Aussi, par déférence et par prudence, s'écarta, fit quelques pas en arrière. Il était enchanté que l'étiquette lui commandât de laisser seul son maître avec le visiteur. Le prince vint donc au général. Après les salutations habituelles, les compliments de banalité auxquels d'ailleurs celui-ci ne répondit pas, le prince aborda carrément son sujet. « Eh bien, général, demanda-t-il, avez-vous songé à notre entretien d'hier? Avez-vous réfléchi, étudié la question? Êtes-vous enfin décidé à vous rendre à ma juste réclamation, à me remettre ce qui m'appartient et que vous détenez illégalement? Non. » répondit le général d'un ton sec, farouche. Le prince ne montra pas qu'il en fut grandement ému. Sur un ton, au contraire, absolument calme et posé, il demanda « Vous dites non. Mais quel non ? Affirmez-vous ainsi. Pourquoi non ? Voulez-vous sans doute m'informer que vous n'avez pas réfléchi encore ? Si. Vous avez tout pesé, tout examiné ? Oui. » Alors, vous ne pouvez refuser ce qu'en bonne justice, je refuse. Oh, voilà qui est clair. Vous refusez. C'est bien arrêté, c'est décisif, absolument. De mieux en mieux. Le prince Grégoriski, après une seconde de silence, demanda avec son calme imperturbable, « Puis-je enfin savoir pour quelle raison vous refusez ainsi catégoriquement de me rendre mon bien que vous détenez ? Oui, c'est très simple. » Ce bien n'est pas à vous. Il appartient à la divine Johanna, à sa fille Amédéa. C'est à elle seule, et non au fils du prince Grégoriski, qui n'y a aucun droit, que je le remettrai. Si toutefois il me plaît de le rendre, voilà la raison. C'est une raison, en effet, une excellente raison à vos yeux, mais qui, à mon sens, n'a aucune valeur. Voilà qui m'est égal. J'en doute fort, général, mais je n'insiste pas. Le général reprit, haussant encore la voix. Il vous reste une ressource. Vraiment, laquelle? Puisque vous avez grande confiance dans la justice de ce pays, adressez-vous aux tribunaux français. C'est d'une douce ironie. Pas du tout, c'est un bon conseil. Dites au magistrat, mon père, s'appuyant sur la force de son sabre de soudard, qui est plus fort que le glaive de la loi en Russie, a trahi et livré un de ses parents dont il convoitait la fortune et la femme. Fournissant de fausses pièces, accumulant les faux témoignages, il a fait condamner et exécuter son parent. Selon la règle, le tsar lui a donné une partie des dépouilles du condamné. Non content de cela, il voulait sa femme, celle qu'on appelle la pure, la divine Johanna. Comme pour abuser d'elle, il l'attirait dans un guet-apens infâme. Il a été victime de sa perfidie. Les gens qu'il avait postés pour tuer le défenseur de Johanna se sont trompés. Ils l'ont pris pour celui qu'il devait assassiner. Mon père est tombé sous les coups de ses misérables compagnons ce soir-là plus ivre que de coutume. La part qui eût été donnée à mon père n'ayant pas encore été fixée, elle revenait de droit à celui qui devait partager avec lui. Or, c'est cette part que je réclame, C'est cette part que je veux forcer le général Soubarov à me restituer. Dites cela au tribunal français, et nous verrons comment ils vous rendront justice. » Le prince Grigorievski, pendant que le général nerveusement disait cela, l'écoutait en gardant sur ses lèvres un sourire cruellement railleur. « En effet, général, dit-il enfin, présentée sous ce jour fâcheux, ma requête n'aurait aucune chance d'être écoutée. Essayez. Permettez-moi de ne pas suivre votre conseil. Toutefois, comme je suis certain de la validité de ma cause, je vais poursuivre l'affaire. Mais comme elle est de nature toute spéciale, je la porterai devant un tribunal d'exception. Et je la ferai présenter par des avocats comme certes jamais il n'en parut au palais de justice. » Et saluant le général, il prit congé. Mais le général, ici, en plein air, semblait moins sensible aux menaces des fantômes. Il arrêta d'un geste le prince. « Un dernier mot, lui dit-il. Je doute fort que devant ce tribunal, avec ses avocats singuliers, vous obteniez gain de cause. Mais, admettons-le, vous n'en seriez pas plus avancé, parce que je ne vous livrerai rien. Ah, les terres, les domaines que vous désirez sont là-bas, en Pologne, où vous vous garderez d'aller les réclamer. Quant aux millions, ils ne sont pas bien entendu ici chez moi, dans ma maison. Ils sont déposés en lieu sûr, à l'abri de toute atteinte, au nom de Johanna et de sa fille Amédéa, et personne, comprenez-moi bien, personne autre que Johanna ou Amédéa ne peut y toucher. C'est une bonne précaution. Oui. Maintenant, salut. » Le général fit un geste d'adieu de la main. Il passa devant le prince, qui le suivit des yeux, en souriant toujours. Il reprit sa promenade, suivi à deux pas par son intendant. Le général s'était retrouvé. En lui-même, il se sentait content de lui, et il pensait que, maintenant fixé, le prince abandonnerait tout espoir de rentrer en possession de cette fortune qu'il convoitait, et qu'il devait maintenant savoir insaisissable. Ayant fait quelques pas, le général, machinalement, se retourna pour voir ce que faisait le prince, s'il se décidait à s'en aller et quel chemin il allait prendre. En même temps que lui, Ossip se retourna. Mais alors, le général et son intendant, en même temps, eurent un haut-le-corps de surprise. Le prince, qu'il pensait trouver encore là, indécis, défait, abasourdi, le prince avait disparu. Or, l'allée était longue. Pour la franchir, il lui fallut quelques minutes. D'ailleurs, le gravier n'avait pas grincé sous les pas du prince se retirant. Il ne se trouvait pas dans le kiosque, ni sur la pelouse, ni derrière le massif fleuri, ni caché par un arbre. Plus loin, on se heurtait au mur mitoyen. Donc, le prince avait disparu d'un coup, s'était envolé, évanoui comme une volute de fumée dans l'espace. Aussitôt, la belle allure du général tomba. Son humeur batailleuse, un moment éveillée, se dissipa comme par enchantement. Il demeura stupéfait, accablé, regardant sans comprendre l'endroit où tout à l'heure se tenait le prince. Ossip faisait de même. Des gouttes de sueur coulaient le long de son front. Autant que le général, l'étiquette ne lui permettant pas de l'être davantage, il se sentait affolé. Mais le général, cependant, faisant un violent effort, se reprit. « Cet homme est donc le diable ? » s'écria-t-il. « Il entre ici sans qu'on sache par où ? Il en sort sans qu'on voit comment ?» Mais comme il faisait jour encore et que sans doute l'heure où les fantômes commencent leur danse n'était pas arrivée, le général se sentit prêt à lutter contre eux, à marcher contre l'inconnu, l'invisible, à braver l'au-delà. Levant sa canne, il revint dans l'endroit où tout à l'heure il avait parlementé avec le prince, puis il se décida à pénétrer dans le kiosque. Il fit le tour de ce petit pavillon, dérangea les meubles, souleva les sièges, donna des coups de canne, des coups de talon sur le parquet. Il ne savait pas, au fond, ce qu'il cherchait, et il ne découvrit rien, naturellement. Alors il quitta le kiosque et, avisant Ossip, il l'entraîna. « Viens, » dit-il. Ils reprirent leur promenade, mais silencieusement, l'œil en quête, l'oreille aux aguets, se sentant tous deux environnés d'ennemis invisibles, ayant conscience que sur leur tête planait un danger qu'ils ne pouvaient éviter. Puis le général dit tout à coup « J'ai soif. » Il se dirigea alors vers la maison. Dans la salle des armures, il alla s'asseoir dans son grand fauteuil. « Prends un verre, toi aussi, » dit-il à Ossip, dont il semblait aujourd'hui ne pouvoir se séparer. L'intendant alla quérir dans un énorme placard un grand verre et l'apporta sur la table en face du général. Le général s'empara du cruchon de vodka, le souleva. Mais au moment de verser, il s'arrêta. « Qu'est-ce qu'il y a dans mon verre ? » fit-il. Il y plongea deux doigts et en tira un papier plié. Une carte de visite. « Comment se fait-il ? Qui s'est permis ?» Il roulait les yeux pleins de courroux vers Ossip, fort mal à son aise, et qui ne comprenait pas comment ce papier, cette carte de visite, pouvait se trouver dans le verre de son maître. Machinalement, cependant, il regarda au fond du verre qu'il venait de prendre dans le buffet. Il poussa un cri de surprise. « Moi aussi, dans mon verre également !» Ossip tira une carte pliée en deux, comme celle du général. Alors, le général déplia sa carte. Il lut avec effroi ce nom, tracé d'une fine, élégante écriture féminine, « Johanna ».« Amédéa !» lut Ossip sur la sienne, avec une égale stupeur.